Dans le sous-sol, de Léonide Andreïev. Traduction du russe de Serge Persky, paru dans la revue Bleu, 1903. Chapitre 1. Il buvait beaucoup. Il avait perdu sa situation et ses amis, puis il était venu habiter dans le sous-sol en compagnie des voleurs et des prostituées. Il vivait des dernières hardes qui lui restaient. Son corps exsangue et maladif était usé par le travail, rongé par la souffrance et l'eau-de-vie. Et la mort, oiseau de proie, aveugle à la lumière du soleil et clairvoyant seulement dans les ténèbres, le guettait déjà. De jour, elle se cachait dans les coins sombres, et la nuit, elle venait silencieusement s'asseoir à son chevet, y passait de longues heures jusqu'à l'aurore, avec une persévérance calme et obstinée. Lorsqu'aux premières lueurs du jour, il sortait de dessous la couverture sa tête pâle aux yeux d'animal pourchassé, la chambrette était déjà vide. Mais il ne croyait pas, comme les autres, à ce vide trompeur. Il examinait les recoins avec défiance. Se retournant avec des ruses soudaines, il jetait un coup d'œil derrière lui, dans l'obscurité fondante de la nuit qui s'en allait. Alors il voyait ce que les autres n'aperçoivent jamais, un énorme corps couleur de cendre qui se mouvait, informe et terrible. Ce corps était fluide, il remplissait toute la chambre et laissait transparaître les objets comme une cloison de verre. Mais maintenant, Kijnakov n'en avait pas peur. Et le monstre disparaissait jusqu'à la nuit suivante, laissant derrière lui comme des traces glacées. L'homme s'endormait pour un instant, et des cauchemars hideux et extraordinaires le tourmentaient. Il voyait une chambre blanche, au plancher et aux murs immaculés, éclairée d'une vive lumière blanche elle aussi. Et un serpent noir glissait sous la porte avec un bruit léger semblable à un rire. La bête, appuyant sur le sol sa tête plate et aiguë, rampait rapidement en se tortillant au travers de la pièce et disparaissait mystérieusement pour reparaître de nouveau sous la porte avec sa langue visqueuse et ses anneaux qui se déroulaient comme un sombre ruban noir. Et ce manège recommençait sans trêve. Une fois l'homme vit en rêve quelque chose d'amusant et il se mit à rire. Mais le rire sonna, singulier, pareil à un sanglot étouffé, et c'était lugubre de l'entendre. Dans la profondeur inconnue de l'âme, quelque chose pleure ou rit, alors qu'au même moment le corps gît immobile comme un cadavre. Peu à peu les bruits du jour naissant frappaient ses oreilles. Les voix des passants qui résonnaient sourdement, le grincement lointain d'une porte, le crissement du balai du portier en levant la neige entassée sur le seuil, tous les sons vagues de la grande ville qui s'éveillaient. Et c'est alors que se dressait devant lui cette chose affreuse, la conscience impitoyable et lucide qu'un jour nouveau était venu, que lui, Kijnakov, devrait bientôt se lever et reprendre sa lutte contre la vie, sans espoir de vaincre. Il fallait vivre. Kijnakov tournait le dos à la lumière, tirait la couverture sur sa tête, afin qu'aucun rayon ne parvînt jusqu'à ses yeux. Il se pelotonnait, remontait ses genoux vers son menton et attendait ainsi sans bouger, redoutant de faire un mouvement ou simplement d'étendre les jambes. Les hardes dont il se couvrait pour se protéger du froid qui régnait dans le sous-sol s'élevaient en un grand tas sur le lit, mais il n'en sentait pas le poids et son corps était glacé. Chaque fois qu'arrivait jusqu'à lui un son parlant de la vie, il lui semblait que son corps s'enflait et s'étalait à découvert. Alors il se contractait encore davantage et gémissait silencieusement sans voix et sans pensée, car maintenant il avait peur de sa propre voix et de ses propres pensées. Il priait on ne sait qui, afin que le jour ne vînt pas et qu'il lui fût toujours possible de rester couché sous son monceau de guenilles, sans bouger ni penser. Puis il tendait toute sa volonté pour retenir le jour qui grandissait et se persuader que la nuit continuait. Il aurait souhaité par-dessus tout que quelqu'un va lui mettre un revolver contre la nuque, à l'endroit où l'on sent un creux, et tira. Le jour s'affirmait, large, irrésistible. Il appelait à la vie avec autorité. Et le monde entier commençait à se mouvoir, à parler, à travailler et à penser. Dans le sous-sol, c'était la vieille Matrena, la logeuse, dont l'amant était âgé de 25 ans, qui se levait la première et commençait à piétiner dans la cuisine, à entrechoquer les ustensiles et à se démener près de la porte de Kijnakov. Il la sentait proche et se figeait, décidé à ne pas répondre si elle l'appelait. Mais elle s'éloignait. Quelques heures plus tard, deux autres locataires s'éveillaient. Dunyasha, une fille légère, et l'amant de la vieille, Abram Petrovitch. C'est ainsi que tous, respectueusement, l'appelaient malgré sa jeunesse, car c'était un voleur hardi et expérimenté, et même autre chose encore. De cela, on le soupçonnait sans oser en parler. C'était de leur réveil que Kijnakov avait le plus peur, car tous deux avaient des droits sur lui. Ils pouvaient envahir sa chambre, s'asseoir sur son lit, le toucher de leurs mains, l'obliger à penser et à parler. Il était entré en relation avec Dunyasha un jour qu'il était ivre et avait promis de l'épouser. Bien qu'elle en plaisantât en lui frappant sur l'épaule, elle le considérait comme amoureux d'elle et le protégeait. Elle était bête et malpropre. Elle sentait mauvais et passait souvent la nuit au poste. 3 jours auparavant seulement, il s'était grisé en compagnie d'Abram Petrovitch et après s'être embrassé, il s'était juré une amitié éternelle. La voix pleine et bruyante d'Abram Petrovitch retentit derrière la porte. Kijnakov, glacé de terreur, l'oreille tendue, se mit à gémir tout haut sans pouvoir se retenir, et cela l'effraya encore davantage. Il vit distinctement apparaître devant lui la scène de leur ivresse, alors qu'ils étaient assis dans la pénombre d'un cabaret, éclairé d'une seule lampe, parmi des gens suspects qui chuchotaient entre eux. Et eux aussi parlaient à voix basse, on ne sait pourquoi. Abram Petrovitch, pâle et excité, se plaignait de l'existence pénible des voleurs. Tout à coup, il mit à nu son bras et fit tâter à son compagnon ses os, dont le développement était défectueux. Kijnakov l'avait alors embrassé en disant « J'aime les voleurs, ils sont audacieux. » Puis il lui proposa de boire à leur fraternelle amitié, bien qu'ils se tutoyassent depuis longtemps déjà. « Et moi je t'aime parce que tu es instruit et que tu nous comprends, nous autres, » répondit Abram Petrovitch. « Regarde donc cette main. » Il tendait une main fine dont la blancheur semblait devoir inspirer la pitié, et dans une extase incompréhensible pour lui maintenant et dont il ne se souvenait plus bien, Kijnakov avait embrassé cette main. Alors Abram Petrovitch s'était écrié avec fierté « C'est vrai, frère, nous mourrons plutôt que de nous rendre. » Puis il y avait eu quelque chose de sale qui tourbillonnait dans le cabaret. Un gémissement, un coup de sifflet et des feux qui se mouvaient. Quelle joyeuse soirée! Mais maintenant que la mort se cachait dans les coins et que de partout s'avançait le jour avec la nécessité de vivre, de s'agiter, de lutter pour quelque chose, c'était poignant et terrible, indiciblement. « Monsieur Dor ?» demanda d'un ton railleur Abram Petrovitch, derrière la porte, et ne recevant pas de réponse, il ajouta « Eh bien, dors, et que le diable t'emporte !» Abram Petrovitch reçoit beaucoup d'amis, et pendant toute la journée, la porte grince et des voix de basse retentissent. Et à chaque heure, il semble à Kijnakov qu'on est entré chez lui, pour le chercher, et il se blottit de plus en plus dans son lit, et prête longtemps l'oreille jusqu'à ce qu'il sache à qui appartient la voix. Il attend, attend plein d'anxiété. Tout son corps tremble, bien qu'il n'y ait dans le monde entier personne qui puisse venir chez lui. Une fois, il y a bien longtemps, il avait une femme. Elle était morte maintenant. En remontant dans le passé, il revoyait des frères et des sœurs, et encore plus loin, un être qui lui paraît vague et beau, et qu'il appelait mère. Ils étaient tous morts. Peut-être quelqu'un d'entre eux vivait-il encore, mais si perdu dans le monde infini que cela équivalait à la mort. Lui-même, il mourrait bientôt, il le savait. Lorsque tout à l'heure, il allait se lever de sa couche, ses jambes vacilleraient et fléchiraient. Ses bras auraient des mouvements incertains et étranges, et c'était la mort. Mais en attendant qu'elle vienne, il faut vivre. Et c'est un problème si menaçant pour l'homme qui n'a ni argent, ni santé, ni volonté, que le désespoir s'empare de Kijnakov. Il lance sa couverture loin de lui. Il a des picotements dans les bras et jette dans l'espace des gémissements si prolongés qu'il semble être poussé par des milliers de poitrines souffrantes. « Ouvre, diable !» crie Dunyasha avec force coup de poing dans la porte. « Sinon j'enfonce la porte !» Tremblant et chancelant, Kijnakov se lève, ôte le verrou et, toujours trébuchant, court se remettre au lit. Dunyasha, déjà frisée et poudrée, s'assied à côté de lui, le pousse vers le mur, croise les jambes et dit d'un ton important « Je t'apporte une nouvelle. Katia a rendu l'âme hier. »« Quelle Katia ?» demande Kijnakov. Sa langue se meut avec difficulté et incertitude, comme si elle ne lui appartenait pas. « Allons, tu l'as oubliée ?» dit Dunyasha en riant. « La Katia qui a demeuré ici. »« Comment, tu ne te rappelles pas ?» Et pourtant, il y a une semaine seulement qu'elle est partie. Elle est morte ? Mais oui, elle est morte, comme tout le monde meurt. Dunyasha humecte de salive son petit doigt et enlève la poudre qui couvre ses maigres sourcils. Comment est-elle morte ? Comme tout le monde, te dis-je. Qui sait de quoi elle est morte ? On me l'a annoncé hier au café. On m'a dit « Katia est morte ». Et tu l'as aimée ? « Bien entendu, je l'ai aimée. Quelle question !» Les yeux bêtes de Dunyasha considèrent Kijnakov avec une indifférence stupide. Elle balance sa grosse jambe. Elle ne sait plus de quoi parler et s'efforce de regarder l'homme de manière à lui montrer son amour. Dans ce but, elle cligne légèrement d'un œil et abaisse les coins de ses lèvres épaisses. La journée a commencé.